Ce sont aujourd'hui près de 220 pays qui sont touchés par la variole du singe. Le nombre de cas à l'échelle mondiale est supérieur à 1000. Selon le président de l'Organisation mondiale de la santé, il y a un risque réel que le virus ne s'installe dans les pays non endémiques. Cette maladie, décrite pour la première fois en 1958, était majoritairement cantonnée à l'Afrique occidentale et centrale avant de faire une incursion sur le territoire américain au début des années 2000. La vague qui nous touche aujourd'hui va-t-elle s'éteindre d'elle-même ou le risque que la maladie s'installe durablement est-il important? On fait le point sur ce que la science sait aujourd'hui de la variole du singe. Variole du singe, faut-il craindre une épidémie? C'est le programme viral qu'elle note pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire le point sur nos connaissances précises sur la variole du singe, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Arnaud Fontanet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste, directeur de recherche à l'Institut Pasteur et professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers. Et nous sommes en ligne avec Emmanuel Nakounet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes virologue et directeur scientifique de l'Institut Pasteur à Bangui, mais on commence par un tour de l'actualité scientifique du week-end avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. La nouvelle carte de la Voie lactée du télescope Gaïa vient d'être publiée aujourd'hui. Gaïa, c'est la mission européenne d'astronomie fondamentale. Pilotée par l'ESA, l'agence spatiale européenne, elle a pour but de cartographier le ciel avec la plus grande précision possible. Depuis son lancement en 2013, le télescope spatial Gaïa analyse la composition chimique et les vitesses de près de 2 milliards d'étoiles. Il y a déjà eu deux volets publiés. Aujourd'hui paraît la Gaïa DR3, la Gaïa Data Release 3. Et pour l'astrophysique moderne, c'est une publication majeure. Alors ce n'est pas une mission spatiale qui nous envoie des images stupéfiantes comme on est habitué à en voir par certaines missions d'exploration de l'univers, mais elle nous envoie des mesures essentielles. Pour décrire notre Voie lactée et comprendre son histoire, nous n'avions jamais eu accès à un tel niveau de détail et de précision, et notamment sur les tremblements d'étoiles. Paolo Tanga est astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Il est responsable du traitement des données pour le système solaire de la mission Gaïa. Le tremblement stellaire, alors, c'est pas vraiment une découverte en soi parce qu'on supposait qu'il devait exister, mais c'est la première fois qu'on arrive à mesurer ce phénomène sous les étoiles. Les tremblements stellaires, c'est des vibrations qui se produisent à l'intérieur des étoiles, dans leur structure. On les a mesurées aussi dans le Soleil, mais jamais avec une grande précision dans des étoiles lointaines comme on peut faire aujourd'hui avec Gaïa. Et à propos des étoiles, Gaïa nous livre aussi un grand catalogue pour la première fois en DR3. D'étoiles binaires, alors c'est des étoiles qui sont en orbite l'une autour de l'autre, et ça c'est une manière formidable pour peser les étoiles, mesurer leur masse, voir des informations sur leur formation et sur leur évolution. Après, Gaïa, elle a des instruments spécifiques, même si elle est née comme une mission pour mesurer les positions des objets dans le ciel à la base, en réalité, elle couple cette capacité avec la mesure des propriétés physiques. Donc, grâce à la spectroscopie, permet de détecter l'ADN de l'étoile, donc la composition en éléments chimiques de chaque étoile observée. Et ça nous renseigne sur l'âge de l'étoile, nous apprend aussi l'origine de ces étoiles, nous apprend aussi l'évolution de la galaxie. Il y a des galaxies qui ont fusionné avec la nôtre. Et donc on sait qu'effectivement, ce genre de phénomènes peuvent se produire. Et en traçant la propriété chimique des étoiles, on peut voir quelle était l'origine des différentes familles d'étoiles dans le passé. Grâce à ce troisième volet, on parvient à un niveau de détail sans précédent sur près de 2 milliards d'étoiles de notre galaxie. Voilà, je tiens à souligner, plus de 150 000 astéroïdes, ça peut paraître un nombre plus petit par rapport au nombre des étoiles, mais il faut savoir que les inconnus qui demeurent aujourd'hui sur l'origine et l'évolution du système solaire sont importantes. Et ce nombre d'astéroïdes avec leurs caractéristiques précises de leur mouvement autour du Soleil et leurs propriétés physiques, donc leur composition, sont vraiment des données uniques qui n'étaient pas à disposition de la communauté auparavant. Voilà, et nous consacrerons l'émission de demain à ce troisième relevé Gaïa, plus en détail, émission spéciale donc demain à 16h. Et on passe au bref. Lors de la réunion de l'American Society of Gene and Cell Therapy, une équipe américaine a présenté une nouvelle thérapie pour baisser le taux de cholestérol. Oui, il s'agit d'une thérapie épigénique, c'est-à-dire par édition épigénétique. Contrairement à l'édition du génome qui modifie les gènes, il s'agit là de moduler l'expression des gènes et de les désactiver ou les activer. Par injection sur des souris, les chercheurs ont réussi à moduler l'activité des gènes impliqués dans la production d'une protéine qui influe sur le taux de cholestérol dans le sang. Testés pendant 220 jours, les rongeurs ont vu leur taux de cholestérol chuter. Alors, l'avantage de cette méthode est qu'elle est réversible, contrairement à l'édition génomique. Néanmoins, de nombreuses étapes sont encore nécessaires avant de pouvoir tester une telle thérapie sur l'humain. Selon une étude parue dans la revue Sleep, la qualité du sommeil serait meilleure si vous dormez avec un partenaire amoureux. Oui, vous pouvez penser qu'entre les ronflements ou les raptes de couettes en pleine nuit, partager son sommeil avec quelqu'un affecterait sa qualité. Détrompez-vous. Une équipe américaine a analysé les données de sommeil et les témoignages de plus de 1000 dormeurs qui dorment seuls, en couple, avec un enfant ou avec un animal de compagnie. Il se trouve que ce sont les couples qui déclarent avoir une meilleure qualité de sommeil, avec un endormissement plus rapide, un sommeil plus long, moins interrompu et moins de fatigue au réveil. Le partage d'un lit serait donc associé à une meilleure santé du sommeil. Et enfin, selon une étude parue dans la revue BMC Biology, des dinosaures avaient des nombrils. Une équipe internationale a étudié un des rares spécimens de peau fossilisé du Psittacosaurus, qui a vécu il y a 130 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui la Chine. Grâce à la technique de fluorescence stimulée par laser, les chercheurs ont repéré une petite cicatrice de 10 cm de long, là où on peut s'attendre à la trouver, entourée d'écailles. Ce seraient les restes des vaisseaux sanguins qui relient l'œuf au sac vitellin qui héberge un embryon. Alors ce n'est pas un nombril comme le nôtre, mais plus exactement une cicatrice ombilicale. Cette équipe part à la recherche d'autres nombrils de dinosaures. Merci Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. L'orthopoxvirose simienne ou variole du singe a déjà touché une centaine de personnes en France, plus de 1000 dans le monde. La maladie relativement bénigne n'a pour l'heure coûté la vie à personne et seuls de rares cas ont été hospitalisés, principalement des personnes immunodéprimées. Néanmoins, sa diffusion à l'échelle planétaire inquiète les autorités sanitaires et le contexte, évidemment après 2 ans de pandémie Covid, y est bien sûr pour beaucoup. Écoutez la façon dont cette information a été traitée dans les médias audiovisuels ces derniers jours. C'est un montage réalisé par Olivier Bétard. L'alerte prend de l'ampleur depuis début mai. Dans plusieurs pays d'Europe, comme aux États-Unis et au Canada, des cas de variole du singe ont été confirmés. En France, un premier malade a été recensé aujourd'hui en région parisienne. Sa propagation ces dernières semaines a suscité de vives inquiétudes. Mais la variole du singe présenterait en réalité un risque de contagion très faible dans la population. L'OMS veut rassurer. Il s'agit d'une situation maîtrisable et nous pouvons mettre fin à la transmission. Il existe des antiviraux et des vaccins. Nous devons les utiliser de la manière la plus appropriée pour ceux qui sont le plus à risque. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu de chaîne de transmission qui dépassait 6 personnes. Sauf que là, on a plusieurs dizaines de cas. Donc, oui, vous avez raison. Et ça peut inquiéter. Non. Voilà, c'était plutôt des enfants de moins de 16 ans qui étaient contaminés, en général par des petits rongeurs, des petits écureuils, des palmiers en Afrique tropicale et équatoriale. C'est donc pas du tout la même épidémiologie que l'on voit. On dit variole du singe, on dit, vous verrez peut-être aussi monkeypox. Les symptômes, c'est de la fièvre, des maux de tête dans un premier temps, et puis une éruption cutanée qui peut ressembler à ça. Généralement, la plupart du temps, ça disparaît au bout de 14-21 jours. Voilà, petit montage du traitement médiatique de cette variole du singe. Arnaud Fontanet, vous estimez que on l'a traité de manière un peu peut-être déformée par l'angoisse du Covid et les 2 ans de pandémie, la crainte d'un seul coup qu'une nouvelle pandémie puisse se répandre à la surface de la planète, ou vous avez trouvé ça assez mesuré dans l'ensemble? Alors, on peut certainement pas comparer, en tout cas, la variole de singe à la Covid. On est sur des modes de transmission différents et le risque de propagation n'est pas du tout le même. Après, ce qui est important de retenir, néanmoins, c'est que quand on a une nouvelle maladie qui émerge ici dans l'hémisphère nord, c'est vraiment au début qu'on a le plus de chances de la contrer et du coup de l'éliminer. Si on attend, si une transmission interhumaine pérenne s'installe, si un réservoir animal, par exemple, se crée également dans l'hémisphère nord, là, ça deviendra beaucoup plus difficile. Donc, il faut quand même réagir très énergiquement maintenant. mais on n'est pas du tout dans la perspective d'une pandémie comme celle qu'on a connue avec la Covid. Quelle est votre opinion, Emmanuel Nakoune, quand le président de l'OMS dit qu'il y a un risque réel que le virus s'installe dans des pays non endémiques? C'est là aussi une forme d'alerte et d'indication qu'il faut réagir assez rapidement pour éviter que ce virus ne puisse s'installer de manière pérenne. Mais écoutez, vous savez que les virus, ils s'adaptent. Ils s'adaptent au cours du temps et effectivement, pour s'adapter, il faudra qu'ils arrivent à trouver un réservoir, une espèce animale qui puisse les maintenir. Donc, effectivement, avec les réchauffements climatiques, rien n'est impossible. On voit qu'il y a certains, par exemple, vecteurs moustiques qui arrivent à s'adapter dans les pays tempérés. Et donc, il n'est pas impossible. Pour l'importance de mettre un accent particulier sur l'élimination de cette maladie, l'arrêt de cette maladie en Occident, parce que puisque c'est une maladie qui est arrivée pour la première fois dans ces régions, on ne sait pas trop comment le virus peut se comporter. Donc, il est important de prendre toutes les mesures possibles pour éviter une installation pérenne. Arnaud Fontanet, les derniers chiffres épidémiologiques dont vous disposez aujourd'hui, donc on a dépassé les 1000 cas, j'ai dit une énormité, j'ai dit dans 220 pays, c'est pas, évidemment impossible puisqu'il y avait pas, il y a 195 pays dans le monde, mais il y a une vingtaine de pays concernés, plus que ça maintenant. Plus que ça maintenant, en fait ça évolue très vite, il y a des bases de données d'ailleurs qui sont en open access, donc d'accès libre pour tout le monde, qui recensaient, je regardais juste avant de venir, on est à peu près à 1800 cas. On est entre 40, 45 pays à peu près qui sont concernés maintenant. Donc voilà, on voit que ça se répand. Après, c'est aussi qu'on dépiste beaucoup mieux et que beaucoup de ces cas probablement seraient passés inaperçus s'il n'y avait pas la sensibilisation actuelle. Emmanuel Nakoune, quelle est la situation en Afrique justement, puisqu'on sait que c'est, on va en parler d'ailleurs dans un instant, l'Afrique de l'Ouest et le bassin du Congo qui sont les deux berceaux initiaux de cette maladie. Aujourd'hui, vous êtes confronté également à une recrudescence de cas supérieure à la normale? Non, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas remarqué une recrudescence de cas. Il faut savoir aussi, quand on dit recrudescence de cas, il y a plusieurs facteurs. Peut-être que l'amélioration des systèmes de surveillance fait qu'on détecte de plus en plus de cas, mais quand on essaie de comparer les données que nous avons aujourd'hui par rapport aux années antérieures, il n'y a pas du tout de différence. On va continuer à s'intéresser à ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas de cette variole du singe. On parlera évidemment aussi des traitements. C'est le thème de notre émission du jour. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons donc de la variole du singe en compagnie d'Arnaud Fontanet et d'Emmanuel Nakoune. Arnaud Fontanet, qu'est-ce que c'est précisément que cet orthopoxvirus simien alors? Alors donc c'est un des virus de la famille des poxviridés et du genre orthopoxvirus. On y retrouve aussi la virus de la variole qui a été éradiqué en 1980. Il y a ce qu'on appelle le copox, il y a la vaccine, il y a le virus de la variole du singe. Donc c'est un groupe de virus qui sont assez proches les uns des autres, qui ont en commun des manifestations cliniques comme par exemple ces éruptions cutanées qui sont caractéristiques. Alors il est mal nommé le virus de la variole du singe parce que il a été effectivement découvert à l'occasion d'une épidémie chez des singes en captivité au Danemark en 1958, des macaques qui se sont retrouvés avec des éruptions cutanées et le virus a été identifié à cette occasion. Mais en fait, le macaque, il est comme l'homme, une des victimes de ce virus, mais ça n'en est pas le réservoir. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le réservoir, il est plutôt du côté de rongeurs, notamment des écureuils, dont certains se trouvent effectivement en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Et c'est de là que part finalement le virus, soit vers l'homme, soit vers des primates. Mais le terme variole de singe, en fait, est mal choisi. On pense qu'on a découvert cette variole du singe assez tardivement parce qu'on suppose qu'elle circulait en même temps que la variole, mais qu'elle n'avait pas été bien identifiée. Oui, très vraisemblablement, parce que bon, on n'a aucune idée de depuis combien de temps ce virus donne des cas chez l'homme, mais c'est avec l'éradication de la variole, hein, qui s'est faite dans les années 70 parce qu'il y avait un vaccin très efficace en une dose et qui a donc permis, et ça a été un des grands succès de l'OMS, d'éliminer une maladie qui tuait quand même 2 millions de personnes par an, hein, quand elle circulait. Quand la variole a été éradiquée, on s'est rendu compte qu'il restait encore des personnes qui présentaient des éruptions, qui ressemblaient à la variole, mais qui heureusement étaient moins sévères, notamment chez des enfants en République démocratique du Congo. Et c'est là, dans les années 70, que les premiers cas de variole du singe chez l'homme ont été décrits. Emmanuel Nakoune, donc ce virus, il y a deux souches qui circulent de façon endémique, une en Afrique de l'Ouest et une dans le bassin du Congo. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, nous expliquer ce que sont ces deux souches, en quoi elles diffèrent et pourquoi elles circulent principalement dans ces régions-là? Mais ce qu'on sait aujourd'hui, effectivement, qu'il y a deux souches qui circulent, celle qu'on appelle la souche du bassin du Congo et l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest. La différence notable entre ces deux souches, c'est que on a un taux de contamination plus élevé avec la souche du bassin du Congo, c'est-à-dire que au cours d'une épidémie, vous pouvez avoir un nombre important de personnes qui sont infectées, comparé à celle de l'Afrique de l'Ouest, qui très souvent entraîne des épidémies très très limitées, ça peut se limiter à 3, 4, 5 personnes. Or en Afrique, il est arrivé où dans certaines épidémies, dans le cas de la République centrafricaine, au cours d'une épidémie, on a quand même eu une chaîne de transmission qui est allée jusqu'à 15 personnes. Mm-hmm. Donc ça, c'est des phénomènes qu'on n'observe pas avec la souche de l'Afrique de l'Ouest. Et on voit qu'il y a vraiment une nette séparation entre ces deux souches. Nous, en Afrique centrale, on n'a jamais réussi à identifier un cas d'infection par la souche de l'Afrique de l'Ouest, vice versa, sauf le Cameroun qui fait frontière avec la République centrafricaine et la République du Congo, où la partie sud rapporte de temps en temps des cas d'infection liés à la souche du bassin du Congo, mais on sait que la frontière ouest avec le Nigeria rapporte également des cas d'infection avec la souche de l'Afrique de l'Ouest, mais ça reste vraiment limité au niveau du Cameroun où on a enregistré la co-circulation de ces deux souches. Je précise que vous nous appelez de Bangui, de République centrafricaine, et que ça explique malheureusement parfois la qualité un peu défectueuse de la liaison. Mais on va rester avec vous, Emmanuel Nakoune. Peut-être un mot, la variole du singe circule en permanence, je veux dire, dans ces deux bassins endémiques, ou est-ce que c'est par poussée? Ben, écoutez, si on prend le cas de l'Afrique centrale, les virus circulent en permanence. Hein. C'est en RDC, d'après les données de l'OMS, depuis les années 2010, ils ont dépassé le cap de 1500 cas par an. Et aujourd'hui, ils sont autour de 2000 cas par an. Si je prends la République centrafricaine, où le premier cas a été rapporté cliniquement en 1986, c'est-à-dire 4 ans après l'éradication de la variole, après, il y a eu une période de silence, et depuis 2001, quand nous avons mis en place le diagnostic à l'Institut Pasteur de Bangui et que le ministère de la Santé a intégré cette maladie sur la liste des maladies à déclaration obligatoire, bon, on se rend compte que chaque année, on a des cas d'épidémies localisées dans différentes régions du pays. Donc, on a une circulation, mais vraiment continue. Au Nigeria, pareil, dans les années 70, ils avaient identifié des cas, puis il y a eu une période de silence. Et depuis 2017, maintenant, chaque année, on a une augmentation de nombre de cas. Mais comme je disais tout à l'heure, probablement, le renforcement des systèmes de surveillance fait qu'on détecte très vite les cas, et on enregistre vraiment une circulation continue de ces virus en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Arnaud Fondanet, ce n'est pas la première fois d'ailleurs que la variole du singe sort hors du continent africain. Il y a eu plusieurs sorties, plusieurs événements de sortie qui sont documentés et attestés. Oui, alors il y a eu un épisode très particulier aux États-Unis en 2003, où cette fois-ci c'était des rats de Gambie qui venaient du Ghana, qui avaient été exportés illégalement aux États-Unis, qui avaient côtoyé des chiens de prairie dans des animaux qui vendent des animaux domestiques. Et ces chiens de prairie infectés, eux-mêmes, ont été responsables d'une épidémie. Alors les chiffres varient, mais c'est quelque part entre 50 et 70, on va dire, cas humains. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il n'y a pas eu de transmission interhumaine secondaire. À chaque fois, c'est un chien de prairie qui a infecté une personne, et puis ça s'est arrêté là. Ce qui montre qu'effectivement, le virus n'est pas si transmissible que ça. Et donc là, on avait une épidémie tout à fait particulière dans son mode de son origine, son mode de propagation aux États-Unis en 2003. Ce qu'on a vu depuis, et notamment à partir du Nigeria, comme le disait Emmanuel, il y a depuis 2017 des cas qui sont décrits régulièrement au Nigeria, alors qu'il y avait une absence pendant près de 40 ans hein, de circulation détectée du virus, en tout cas au Nigeria. Et là, des exportations qui ont eu lieu au Royaume-Uni, Israël, Singapour, États-Unis. À chaque fois, très limitées. Hein. On avait un cas, voire deux, trois, mais pas plus. Donc là encore, jusqu'à présent, des épidémies pour lesquelles le risque de transmission secondaire restait extrêmement limité. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que ce risque de transmission secondaire, il est avéré, il est attesté, il y a de la transmission d'homme à homme et c'est pour ça qu'on retrouve une poussée épidémique plus importante que les fois précédentes ? Oui, donc là, on a eu plusieurs épisodes d'introduction de virus. Hein. D'abord, ça avait commencé au Royaume-Uni où ils avaient décrit un assez comparable à ce qu'on avait vu auparavant, un premier cas chez une personne qui venait du Nigeria, ça s'arrête là. Après, c'est une famille, trois personnes, ça s'arrête là. Et puis, il y a eu une série de cas qui sont apparus et qui, là, ont changé un petit peu dans leur nature déjà de présentation clinique et qui survenaient parmi donc, des hommes qui avaient des relations sexuelles avec des hommes, qui avaient des lésions qui étaient plutôt génitales. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une épidémie en cours qui depuis, maintenant qu'un système de surveillance s'est mis en place et puis que la communauté homosexuelle masculine s'est mobilisée parce que ils ont beaucoup souffert dans le passé, comme on le sait avec le VIH, le sida et d'autres maladies qui ont pu les toucher. Eh ben là, il y a une véritable vigilance dans cette communauté qui fait qu'ils vont consulter et on trouve des cas et maintenant on en trouve avec des nombres élevés, puisque comme on le disait tout à l'heure, on va approcher bientôt des 2000 cas, on a bientôt 40, 45 pays touchés, avec peut-être deux événements qui ont facilité cette propagation hein, de rassemblements qui ont eu lieu au mois de mai. Et donc on a un peu changé quand même de paradigme, hein. On est avec des transmissions qui ont lieu très vraisemblablement pendant les relations sexuelles, on pense que c'est le contact étroit avec les lésions cutanées, hein. On n'a pas encore parlé des modes de transmission, mais ça reste quand même l'hypothèse privilégiée, et qui font que là, on se rend compte qu'on a maintenant une épidémie qui risque d'être plus difficile à contrôler, encore qu'il est encore possible de faire des choses, et qu'il faut les faire rapidement, parce que c'est important d'éliminer une épidémie quand elle se déclare plus facile au début que si on attend et qu'on se retrouve avec des milliers de cas. Bien sûr. Est-ce que ça veut dire que le virus a muté ? Alors, il n'y a pas d'éléments suffisants pour dire que des mutations du virus augmenteraient, par exemple, sa transmissibilité. Hein. On est sur un virus qui, en fait, est un virus à ADN, qui est extrêmement stable génétiquement. C'est pas comme les virus à ARN qui ont des systèmes de réparation défectueux et qui, du coup, peuvent accumuler des mutations. Là, on est un virus qui est très proche de celui de 2017 du Nigeria, toujours. Et on observe dessus quelques mutations. Alors c'est difficile d'abord parce que c'est un virus qui est de très grande taille. Hein. Il fait près de 200 000 bases. Hein. Oui. 7 fois par exemple le SARS-CoV-2 pour prendre un exemple qu'on connaît tous aujourd'hui. Ça demande donc un travail quand même assez long et fastidieux de faire la séquence complète. Après il faut aussi savoir que selon les méthodes qu'on utilise pour faire des séquences, on peut avoir des artefacts hein, de séquences qui font qu'il faut interpréter avec prudence les mutations qui sont retrouvées, ce qui peuvent dépendre de la technique utilisée, mais tout ça est quand même en train d'être standardisé, analysé, parce qu'on est aussi dans la l'ère du partage de données. Donc ces génomes sont déposés sur des bases publiques, ce qui permet à, aux chercheurs de comparer leurs approches, d'être critiques et de voir ce qu'ils peuvent retenir. Et donc on est sur un virus qui est très proche de celui de 2017, donc plutôt Afrique de l'Ouest, et qui est globalement très stable. Maintenant, on a repéré quelques mutations. Certaines d'entre elles sont intéressantes parce qu'elles sont des cicatrices finalement de l'action d'une enzyme antivirale, hein, de défense de l'organisme, qui voudrait dire que depuis quelque temps, le virus circule plus activement chez un nouvel hôte. Alors, est-ce que c'est un nouvel hôte mammifère, rongeur? Est-ce que c'est l'homme qui est ce nouvel hôte? Est-ce qu'il y aurait une transmission interhumaine qui daterait d'un peu plus que les événements très récents qui seraient passés sous le radar? C'est vraiment toute une question qu'on est en train de se poser aujourd'hui. Maintenant, il y a quelques mutations qui sont suivies de près parce qu'on sait qu'elles sont potentiellement associées à une plus grande sévérité ou plus grande transmissibilité sur la base de modèles animaux. Mais on a, voilà, c'est un virus qui reste globalement stable et ce n'est pas l'inquiétude première. Emmanuel Nakoune, vous constatez effectivement, vous aussi, que le virus a changé ou en tout cas se comporte de manière différente avec cette flambée internationale par rapport au virus que vous connaissiez, que vous aviez étudié dans la souche d'Afrique de l'Ouest à l'Institut Pasteur. Différence bon, scientifique, non. Par contre, que le nombre de cas augmente au nord, ça peut s'expliquer parce que nous, ce qu'on observe en Afrique, comme disait mon collègue Arnaud Fontanet, le réservoir, ce sont les rongeurs, ce sont les écureuils, et vous savez que c'est une maladie qui survient régulièrement dans les endroits reculés, où les gens sont en contact en permanence avec ces différents rongeurs. Et des études que nous avons menées nous ont permis de comprendre que si le nombre de cas sont limités, c'est parce que les gens, ils ont une certaine protection. C'est à un moment, ils ont été en contact avec des virus. Donc, ce qui explique pourquoi on n'a pas de grande propagation de cas de monkeypox en Afrique et en Occident. Si le nombre augmente, c'est parce que ben, la population elle est naïve. Hein. Il y a pas une immunité, à part ceux qui sont nés avant les années 80, qui ont bénéficié de vaccination contre la variole. Tous ceux qui sont nés après, s'ils sont en contact avec quelqu'un, les lésions causées par cette maladie, ils peuvent facilement contacter la maladie, et ce qui explique pourquoi on a un nombre important de cas qui surviennent. Comme disait Arnaud aussi, on n'a pas encore beaucoup de recul pour dire si dans certains pays, on a une émergence locale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus de cas d'importation et à partir des cas importés, ça passe d'un pays à l'autre. Donc non, en Afrique, on n'a vraiment pas une différence par rapport à ce qu'on a connu depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Quelle est, Arnaud Fontanet, la symptomatologie? On peut le rappeler quand même rapidement, et la différence aussi avec la variole telle qu'on ne la connaît plus maintenant puisqu'elle a été éradiquée. Alors, pour ce qui est de la variole de singe, on considère que l'incubation, hein, le temps entre le moment où vous êtes exposé et le moment où vous développez vos premiers symptômes, il va de 1 à 3 semaines. C'est plutôt 1 à 2 que 1 à 3, mais voilà, ça peut aller jusqu'à 21 jours. Après, vous avez au début un syndrome un peu fébrile, comme celui qu'on a dès qu'on a une infection virale, hein, les 2-3 jours où vous n'êtes pas très bien avant une grippe. Bon, ça s'y apparente, hein, fièvre, maux de tête, des choses comme ça. Et puis apparaît une éruption qui est une éruption qui ressemble, s'il fallait prendre un exemple, à celle de la varicelle. Hein. Elle est quand même caractérisée par ces vésicules qui, au début, sont translucides, puis se remplissent d'un liquide qui devient un petit peu plus d'aspect opaque. Mais ça ressemble à des lésions de varicelle. Alors, il y a quand même deux différences importantes par rapport à la varicelle. C'est que, d'une part, ces lésions qui débutent d'abord sur la face, le tronc, puis les membres, elles peuvent toucher la paume des mains et la plante des pieds, ce que la varicelle ne fait pas. La deuxième chose qui peut faire évoquer la variole du singe, c'est la présence de ganglions, hein, qui sont importants dans les régions cervicales et les régions inguinales. Donc ça, je dirais que c'est des caractères distinctifs qui vous mettent un petit peu sur la piste. Et puis sinon, il peut y avoir des complications, hein, avec des terrains un peu plus fragiles. Alors les enfants peuvent faire des éruptions extrêmement importantes avec des milliers de lésions cutanées qui peuvent entraîner des déshydratations. Il y a des femmes enceintes, hein, il faut savoir qu'elles sont à risque de fausses couches. Hein, et puis les personnes qui ont des déficits immunitaires sévères, et notamment au Nigeria par exemple, les décès qu'ils ont observés étaient chez des personnes infectées par le VIH, qui n'étaient pas sous traitement, hein, qui donc avaient des infections non contrôlées, avec des charges virales élevées et des niveaux de CD4 hein, qui étaient faibles. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui dans les cas qui sont décrits en Europe et aux États-Unis, où il y a une proportion non négligeable de personnes infectées par le VIH, mais qui sont sous traitement et qui, du coup, bien équilibrées, font des formes qui restent mineures. Donc voilà un petit peu les grandes caractéristiques cliniques. Ce qui est intéressant quand même à signaler par rapport aux cas qu'on voit aujourd'hui, notamment dans la communauté homosexuelle masculine, c'est qu'ils sont un peu différents. Ils sont, les lésions cutanées sont plus volontiers anogénitales, laissant entendre que c'est la porte d'entrée du virus qui est aussi associée à ces lésions. Et elles ont moins tendance à se généraliser. Alors c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les cas sont moins sévères. En revanche, par rapport à la possibilité d'identifier, de diagnostiquer et du coup de partir en isolement, parce que c'est ce qu'il faut faire. Dès que vous êtes identifié comme atteint de variole de singe, il faut vous isoler pendant 3 semaines au moins. Et bien là, on peut passer à côté. C'est peut-être ce qui explique le fait que la transmission continue aujourd'hui, alors que, comme on l'avait vu par le passé, dès qu'on prenait des mesures d'isolement, on avait réussi à contenir assez bien les démarrages d'épidémies de variole de singe. Parce que la contamination se passe essentiellement justement par le contact avec les vésicules. Oui, alors ce qui est... je pense que le mode de transmission principal, c'est vraiment le contact avec les lésions cutanées. Alors, c'est toutes les phases, hein, parce que vous avez une vésicule, puis après une pustule, puis après, elle s'ulcère par le centre, et à la fin, ça laisse des ulcérations, puis des croûtes, etc. Mais toutes ces phases-là, les lésions cutanées sont très contagieuses. Alors, il y a une étude récemment qui a été publiée en Angleterre, qui, pour la première fois, a regardé et cherché du virus un peu dans tous les compartiments, hein, dans notre jargon. On retrouve le virus dans le sang. Habituellement, on disait que le virus restait que 1 ou 2 jours. En fait, là, il reste plus longtemps. On retrouve le virus aussi dans les sécrétions respiratoires. Il y a eu des aspirations nasopharyngées qu'on connaît bien maintenant aujourd'hui et qui montrent que le virus est présent, mais en fait, à des concentrations plus faibles. Et là où on retrouve vraiment du virus en concentration élevée, c'est dans les lésions cutanées. Ce qui veut dire que même si... c'est vrai, on pense que on peut avoir une transmission par voie respiratoire, notamment par ces fameux postillons, etc. Ça reste quand même un risque faible, hein, et qu'en revanche, c'est avant tout par un contact, alors direct des muqueuses avec ces lésions cutanées, ou alors si vous avez la peau qui elle-même est abîmée et que vous êtes en contact avec les lésions cutanées d'un malade, vous pouvez vous infecter. Si la peau est saine, le risque est un petit peu moins important. Mais c'est vraiment ça, hein, qui est le risque principal. On dit aussi qu'il peut y avoir une contamination par les vêtements, par les draps, par exemple. Et puis, de façon plus marginale, contamination par voie respiratoire. Mais voilà, on n'est pas du tout dans l'ambiance Covid, SARS-CoV-2, etc. Juste un point, parce que quand même, dans la mesure où on se rendait compte que là, il y a une transmission qui a lieu pendant les relations sexuelles, l'hypothèse principale, c'est que ça reste au cours des relations sexuelles des contacts étroits avec la peau, hein, qui évidemment ont lieu. Mais des chercheurs italiens, notamment, ont recherché dans le sperme de patients s'ils retrouvaient du virus. Ils en ont trouvé en quantité, concentration faible. Donc, ce n'est pas exclu qu'il puisse y avoir une transmission par voie sexuelle par le sperme. Mais pour l'instant, ces concentrations sont faibles. C'est quelque chose qu'on observe pour d'autres virus. Et voilà, on reste quand même sur le mode lésion cutanée comme principal vecteur de la transmission. Ça veut dire qu'on ne considère pas aujourd'hui que la variole du singe fasse partie des infections sexuellement transmissibles. Alors, c'est un peu trop tôt pour le dire. En tout cas, transmise par le sperme, hein, si c'était ça la définition. Mais contact étroit au cours de relations sexuelles, oui. Et un dernier mot sur le taux de reproduction aujourd'hui. On a une idée du taux de reproduction de la variole du singe. On sait la quantifier ou pas encore? Non, je pense qu'on a des estimations qui sont encore trop fragiles pour pouvoir être divulguées. On voit que c'est en augmentation, hein, aujourd'hui. Après, avec les délais de remontée d'informations, de diagnostics, etc., on ne sait pas encore si on est toujours dans une phase d'expansion ou si on approche un moment de stabilisation. Ce qu'il faut en tout cas, c'est agir vite, parce qu'une fois de plus, Si la stratégie repose sur l'identification précoce et l'isolement des patients, on pourra rajouter, on en reparlera, la vaccination des contacts. C'est beaucoup plus facile à faire quand vous êtes à quelques dizaines de cas par pays que quand vous vous retrouvez avec des centaines de cas où là, vos services de santé publique se trouvent très vite dépassés. The Monkey Song de Marilyn Scott à 16h35 sur France Culture. Nous parlons de la variole du singe avec Arnaud Fontanet, épidémiologiste, directeur de recherche à l'Institut Pasteur et professeur au CNAM, et avec Emmanuel Nakounet, qui est virologue et directeur scientifique de l'Institut Pasteur à Bangui. Pendant les épisodes épidémiques, l'Institut Pasteur possède une unité qui est dédiée à l'analyse urgente d'échantillons suspects. Cette unité, c'est la cellule d'intervention biologique d'urgence, la CIBU. Bonjour Céline Lozanne. Bonjour Nicolas. Vous êtes rendu à la CIBU pour suivre le parcours d'un échantillon possiblement infecté. Oui, j'ai retrouvé son responsable, Jean-Claude Manuguera, dans cette cellule qui a été donc fondée il y a maintenant 20 ans. L'unité fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour répondre aux urgences selon une procédure très encadrée. Après requête d'un laboratoire, puis obtention du feu vert des autorités sanitaires, il réceptionne les échantillons pour les analyser. Alors ensemble, nous avons refait le cheminement d'un échantillon suspect, conditionnement, décontamination, identification du virus et séquençage. Pour le monkeypox, nous réalisons plusieurs PCR. On en réalise une PCR qui va détecter tous les orthopoxvirus pathogènes pour l'homme, campoxvirus, camelpox, enfin il y a différents pox du même genre, orthopoxvirus. Et puis on va également détecter donc spécifiquement le virus de monkeypox pour faire la différence, ce qui nous donne deux tests qui doivent correspondre et qui sont une confirmation l'un de l'autre. Alors une fois que c'est d'entrer dans l'Institut Pasteur, donc on est prévenu, on va chercher nous-mêmes les prélèvements. Donc on imagine qu'ils sont bien conditionnés, emballés. Alors ils doivent. On parle de quoi? De lésions, des morceaux de peau? Alors on va avoir plusieurs prélèvements. Là, par exemple, sur celui qu'on a reçu ce week-end, c'était on avait trois prélèvements pour un seul individu. On a un prélèvement oropharyngé, un écouvillon, et puis on a aussi des prélèvements de lésions cutanées. Ce sont les meilleurs prélèvements parce que là, soit dans les croûtes, soit dans les liquides des vésicules, c'est bourré de virus. Donc on va recevoir ces prélèvements-là. Alors, lorsque le prélèvement est arrivé, la première étape, c'est d'ouvrir le paquet. Ça, c'est un laboratoire P2, mais dans lequel on ne manipule pas de produits infectieux. C'est-à-dire qu'ici, on va cultiver des cellules non infectées qui vont nous servir après dans d'autres compartiments du laboratoire. Et puis ici, on a une hôte à flux laminaire qui protège le manipulateur et dans lequel on va ouvrir l'emballage primaire et secondaire. Et puis si c'est bon, on prend le tube, donc l'emballage primaire, et ça, on va le mettre dans une boîte de transport. Et on va aller de là. Ah, alors ici on fait l'étiquetage des prélèvements, etc. Et là on va aller dans une partie du laboratoire qu'on appelle pièce PCR propre. Alors avant d'aller dans ces salles de PCR propre, qui sont des P2 très améliorées, si c'est un agent de classe 3, comme au Monkeypox, on va aller dans un P3, pratiquer les premières étapes d'extraction du génome du virus en inactivant ce virus. Et donc, quand il sort du P3, le virus est inactivé. Et là, on peut aller dans un confinement plus faible, qui est le P2. Et puis, on fait la suite des manipulations ici. Alors, on appelle ça l'esprit propre parce que pour éviter les contaminations, on a une marche en avant. C'est-à-dire qu'on ne revient jamais en arrière et on ne passe pas d'une pièce à une autre. Vous voyez là, alors avant d'entrer, on va vérifier le premier relevé des pressions. Et la pression doit être conforme à ce qui est attendu. Vous voyez donc ici. Donc là, par exemple, on est le 7 juin, il est à plus 12, il est en plus 10 et plus 20. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Et la personne qui relève, le premier de la journée, met ses initiales. Ça, c'est absolument indispensable puisque le confinement est assuré en partie par l'aération, la différence de pression. Et ensuite, on va aller dans le sol où il y a deux dépressions successives. Bon, et je vais vous montrer, on sort par là-bas. Alors, une fois qu'on est sorti par là, on ne peut plus retourner. Et combien de temps prend tout ce parcours qu'on vient de faire Alors, brièvement ? Si on prend l'ensemble du parcours, c'est entre 5 et 8 heures. Et donc là, on est sur cet aspect-là, on est à peu près à 2 heures et demie, en fonction du nombre d'échantillons qu'on a à traiter, en fonction du nombre de paramètres qu'on va traiter. Donc on sort d'ici, et quand on sort d'ici, en fait, on a fini l'extrait du génome du virus. On a mis cet extrait purifié avec des réactifs de PCR la plupart du temps, dans lesquels on va chercher spécifiquement tel ou tel gène de tel ou tel virus. Et puis une fois qu'on a mis tous ces protagonistes ensemble, et bien après c'est à eux de jouer. Donc pour qu'ils puissent jouer, on va les mettre sur une machine qui est une machine à PCR ou une machine amplification isotherme. Et donc c'est là où on va aller. Alors là, c'est un moment où on se repose. C'est la détente, surtout lorsque c'est nuit, qu'on est un peu fatigué, ça nous permet. Alors là, on va mettre la machine à tourner. Vous voyez, une fois que je suis rentré là, je ne pourrais plus retourner dans les autres pièces. Voilà. Donc ça, c'est une machine à PCR. Voilà. Donc ça, c'est une machine à PCR à plaque. On peut faire 96 échantillons. Et puis, pour la lampe, vous voyez, c'est des équipements plus petits. Hein, et le plus petit possible n'est même pas là. Donc ça, c'est des éléments plus légers, beaucoup moins chers. En fait, on les utilise en fonction du besoin, de la quantité d'échantillons. Oui, voilà. Et puis ensuite, on a une réponse sur l'écran. Alors voilà. Donc là, on a fait des PCR. Donc ça s'appelle des PCR temps réel. C'est-à-dire qu'on va avoir l'acquisition d'un signal à chaque cycle. Donc ici, nous avons en abscisse le nombre de cycles. Hein, vous voyez, on fait 50 cycles. C'est-à-dire 50, on répète 50 fois dans la PCR. Donc là, on va de 1 à 50. Et puis ici, il y a une intensité de fluorescence. Comme vous pouvez voir dans la partie gauche de la courbe, il n'y a pas de signal, hein, le signal est tout plat, et puis tout d'un coup, on a ici des courbes en forme de S, hein, des sigmoïdes, qui commencent à apparaître avec une pente très très forte, et dont une partie est linéaire. Et grâce à cette linéarité, on peut éventuellement faire de la quantification. Alors, une quantification indirecte, c'est le moment où le signal va apparaître, ce qu'on appelle le CT. Le fameux CT, c'est le moment ici où le signal sort. Voilà. Plus le signal est précoce, et plus il y a de virus. Plus le CT est bas, et plus il y a de virus. Plus c'est haut, et moins il y a de virus. Voilà. Donc là, on a très clairement un échantillon qui est clairement positif. Il n'y a pas de question à se poser. Ça se voit très bien. Vous voyez, une fois qu'on a ça, c'est la compilation de tous ces résultats qui va nous permettre de poser le diagnostic biologique. Et ce diagnostic biologique est transmis aux prescripteurs, c'est-à-dire aux cliniciens ou aux laboratoires d'hôpital qui nous ont envoyé, et aux autorités sanitaires. Voilà cette visite de la cellule d'intervention biologique d'urgence de l'Institut Pasteur. Une réaction, Arnaud Fontanet ? Voilà, non, c'est vraiment un élément clé de notre dispositif, hein, puisque, comme vous l'avez dit, ils fonctionnent absolument en permanence. Ils sont activés, évidemment, aujourd'hui avec le monkeypox, mais ils ont pu être très importants dans des crises passées, y compris au tout début de la pandémie de Covid, hein, puisque ça faisait partie avec le centre des virus respiratoires qui est également à l'Institut Pasteur, des premiers acteurs, des acteurs de première ligne au moment où on a comme ça des déclenchements d'épidémies sur le territoire français. Mmh. Emmanuel Nakounet, un mot peut-être aussi sur cette cellule d'urgence. Écoutez, c'est un grand plaisir pour moi d'ailleurs d'écouter Jean-Claude Maluguera parce que très tôt en 2010, nous sommes allés nous former dans son laboratoire. Et c'est ce qui nous a permis de faire le transfert de technologie à l'Institut Pasteur de Bangui, où jusqu'aujourd'hui, ben, c'est le même protocole que nous utilisons, puisque nous faisons partie du réseau des instituts Pasteur, et nous travaillons très étroitement avec l'équipe de la CIBI. Donc, c'est exactement ce que nous pratiquons, que Jean-Claude vient de décrire. Un mot à Arnaud Fontanet tout de même, c'est que qu'on n'a pas précisé, mais c'est important de le dire, c'est que à l'heure actuelle, cette variole du singe est considérée comme relativement bénigne. Elle n'a fait aucun mort et elle est peut-être moins virulente que l'autre souche, notamment celle du bassin du Congo qu'évoquait tout à l'heure Emmanuel Nakoune. Oui, alors typiquement, effectivement, au-delà de la transmissibilité plus importante de la souche du bassin du Congo que Emmanuel évoquait, il y a aussi sa virulence plus importante qu'on caractérise par ce qu'on appelle le taux de létalité, c'est la proportion de décès par personne infectée, qui pourrait atteindre 10% pour la souche du bassin du Congo, qui est plutôt estimée entre 1 et 3% pour la souche d'Afrique de l'Ouest. Après, il y a des populations à risque, hein, c'est chez les enfants. C'est pas la même histoire. Je reprends l'exemple que je vous avais cité tout à l'heure de l'épidémie qui avait eu lieu aux États-Unis en 2003. On avait donc, il y a eu une publication dans Clinical Infectious Disease de 34 cas. Et il y avait deux enfants quand même qui sont partis en réanimation. Une enfant de 6 ans parce qu'elle avait une encéphalite. Et puis une adolescente qui avait un abcès rétropharyngé, qui ont dû être intubés. Ça, ce sont des enfants qui, malheureusement, en République centrafricaine, seraient probablement décédés parce qu'ils n'auraient pas pu bénéficier des mêmes soins. Donc, c'est quand même une maladie qui, sur des populations plus fragiles, on citait aussi tout à l'heure les personnes qui sont atteintes d'infection par le VIH quand elles ne sont pas traitées et équilibrées, peuvent avoir des complications. Et voilà. Maintenant, chez les hommes 20-50 ans, lesquelles elles circulent beaucoup aujourd'hui, il y a eu une fois de plus des formes cliniques qui étaient moins étendues que ce qu'on a l'habitude de voir avec ce virus. Et puis heureusement, quelques hospitalisations, certaines pour isolement, et en tout cas pas de décès à ma connaissance à ce jour. Emmanuel Nakoune, aujourd'hui dans les foyers de circulation endémique de la maladie, donc en Afrique de l'Ouest dans le bassin du Congo, le taux de létalité est celui que vient d'indiquer Arnaud Fontanet. Il continue à y avoir des personnes qui décèdent de la variole du singe. Tout à fait. Les travaux que nous avons menés en collaboration avec l'équipe d'Arnaud Fontanet et de Jean-Claude Manigura nous a permis d'avoir un taux de létalité qui est justement autour de 10%. C'est ce qui est rapporté en RDC où le virus, la maladie est très endémique. Comme disait Arnaud, la majorité des cas de décès qui surviennent, c'est dû à un manque de prise en charge. Hein, parce que c'est d'abord des maladies qui surviennent dans des endroits reculés. Entre le temps d'identification du cas, de notification, de prélèvement et de confirmation, puis la réponse, c'est tout ce délai qui fait que il faut aussi se dire que les gens, ils vivent dans des conditions très, très, très, très difficiles. Donc, ils meurent souvent, soit de surinfections par d'autres pathogènes, comme les bactéries, et ainsi de suite. Et ça reste beaucoup plus limité chez les enfants. Donc, on est autour de 10%. Et la tranche d'âge qui est la plus affectée, ce sont les enfants. Alors, Arnaud Fontanet, l'autre bonne nouvelle autour de cette variole du singe, c'est que a priori on a des armes pour lutter contre la maladie. C'est pas comme le Covid qui était une maladie émergente. La variole du singe, c'est une maladie que l'on connaît. Et première question, vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure la question de la vaccination. Est-ce que les gens qui ont été vaccinés contre la variole sont protégés aujourd'hui? Est-ce qu'on sait qu'ils sont protégés à 100% contre la variole du singe? Alors peut-être pas à 100%. Les estimations qui avaient été faites au moment des grandes campagnes de vaccination de la variole et alors que la variole du singe coexistait étaient que la vaccination de la variole protégeait à 85%. Après, c'est des estimations qui ont été faites sur une étude et qu'il faut prendre avec un peu de pincettes. Mais il y a une protection croisée avec le vaccin de la variole et la variole de singe. Maintenant, le vaccin de la variole, on a arrêté de le donner en 1980, donc on parle de gens qui ont plus de 40, 45 ans, pour ceux qui auraient pu être vaccinés, et peut-être aussi qu'avec le temps, la protection a diminué depuis. Mais on dispose de vaccins qui sont issus du même principe, mais qui ont été améliorés, parce que le vaccin de la variole avait quand même un certain nombre d'effets indésirables, et puis qui n'était pas très agréable aussi dans son administration. On a maintenant un vaccin qu'on appelle de troisième génération, on pense est efficace, en tout cas il l'est chez l'animal. Il est également bien toléré. Il est utilisé aujourd'hui au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni pour les contacts. C'est ce qu'on appelle une vaccination en anneau autour des cas. Il doit être donné au mieux dans les 4 jours après l'exposition et jusqu'à 14 jours. Donc on peut vous vacciner après avoir été exposé, parce que l'incubation de la maladie étant un peu longue, vous avez le temps de produire des anticorps si vous êtes vacciné quand même suffisamment tôt. Il est aussi proposé par la Haute Autorité de Santé en France pour des contacts de cas. Maintenant, on est à toute petite échelle et on n'a pas encore assez de recul pour pouvoir dire si ce vaccin est réellement efficace ou pas dans l'utilisation actuelle. Il y a un débat sur la question de la vaccination. Est-ce que on peut imaginer qu'il faille revacciner toute une population si la maladie s'installe? Est-ce qu'il faut vacciner uniquement en anneau simple, c'est-à-dire effectivement juste les cas contacts? Est-ce qu'il faut vacciner les populations à risque, en l'occurrence les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes? Quelle est votre opinion là-dessus? Alors, pour l'instant, je pense que la vaccination en anneau, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est bien et qu'il faut le faire. Maintenant, elle n'est pas forcément très bien acceptée. Au Royaume-Uni, le premier endroit où on a des chiffres, 60% des personnels soignants l'ont acceptée, mais 15% seulement des autres populations à qui elle a été proposée. Le Canada le propose maintenant aux hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes et qui le souhaiterait, et je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui va marcher ou pas. Mais non, pour l'instant, vaccination en anneau, en tout cas, on pense que c'est effectivement une bonne idée, et on verra un petit peu ce qui se passera sur l'expérience canadienne, par exemple. Ce sont des vaccins, le vaccin dont vous parlez, sont des vaccins contre la variole, pas des vaccins spécifiques de la variole du singe, si? Non, c'est des vaccins qui avaient été conçus contre la variole, mais qui donnent une protection croisée, puis qui ont été améliorés depuis. Ils sont fabriqués par une entreprise danoise et qui les commercialise en Europe, aux États-Unis. Donc voilà, ce sont des vaccins qui existants, comme vous le disiez. Emmanuel Nakounet, vous disposez aussi, je crois, d'un antiviral? Oui, nous avons reçu le Tecovirimat fabriqué par la firme Cilia aux États-Unis avec l'appui de l'Université de Oxford qui nous a permis donc de traiter un certain nombre de personnes atteintes de la variole du singe. Nous avons traité environ 14 personnes et tous ont donc répondu favorablement, c'est-à-dire taux de guérison très très amélioré par rapport aux symptomatiques que nous avons. C'est qu'après 14 jours, on voyait que les malades se remettaient totalement. Or, avant ce traitement, si on se disait le traitement symptomatique, ça peut aller jusqu'à 3 semaines. Il y en a qui l'ont traîné jusqu'à 1 mois et voire plus. Mmh. Donc, nous avons effectivement un antiviral, le Tecovirimat, que nous utilisons aussi en République centrafricaine. Oui. À quel moment administrer le vaccin, à quel moment administrer l'antiviral? Est-ce que les deux sont équivalents? Quelle est la réaction normalement, Arnaud Fontenay? Alors, pour ce qui est du vaccin, la vaccination en anneau qu'on évoquait, c'est bien d'administrer tôt après l'exposition. Donc, on dit de préférence avant 4 jours. On pense que ça pourrait toujours avoir un intérêt jusqu'à 14 jours. Sur l'antiviral, c'est plus difficile. Alors habituellement, les antiviraux, vous les donnez aussi le plus tôt possible. Je pense que de ce côté-là, ça a du sens. Maintenant, est-ce que tout le monde a besoin d'un antiviral? C'est pas absolument évident, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que on a eu très peu de complications sur l'épidémie qui est en cours. Et on a encore très très peu de recul sur cette molécule. Je pense qu'elle peut administrer à des enfants de plus de 15 kilos, mais ce serait à vérifier. Et donc, il y a des populations dont on sait qu'elles sont à risque. Ce que je disais, les enfants, il y a les femmes enceintes, il y a les personnes avec déficit immunitaire. Mais je crois que sur ces indications-là, ça relève vraiment de ce qu'on appelle, nous, une décision collégiale. Hein, c'est-à-dire qu'on est sur un médicament sur lequel on a très peu d'expérience, dont on a tout de même on l'a entendu avec Emmanuel sur ce qu'ils ont pu faire en République centrafricaine. Il y a aussi des cas traités, mais ils se comptent sur les doigts de la main, hein, aux États-Unis, en Angleterre. Donc là, c'est vraiment une balance bénéfice-risque. Et c'est une décision collégiale avec des infectiologues selon la gravité du patient, les facteurs de risque qu'il présente, le bénéfice attendu de cette molécule, que se fera l'indication du traitement. Hein. On n'est pas du tout dans quelque chose de standardisé parce qu'on a vraiment trop peu de recul. Il y avait une autre molécule qui avait été essayée, le brincidofovir en Angleterre, mais où ils ont eu des problèmes d'atteinte hépatique assez importants chez les patients. Et donc voilà, on y va prudemment, mais c'est intéressant d'avoir ces options. Je voudrais juste vous dire un mot là-dessus, c'est que ce qu'on sait quand même de la variole de singe, on le sait grâce à des équipes comme celle d'Emmanuel, qui travaille en Afrique centrale depuis des années sur ce sujet. On est très heureux de collaborer avec eux. On est sur des projets qui concerne non seulement les atteintes cliniques, mais également l'environnement, la relation avec la faune sauvage, les risques d'introduction. Maintenant qu'on est sensibilisé, alors, c'est important, on se rend compte aujourd'hui à quel point il était important d'avoir des équipes comme celle d'Emmanuel, qui nous ont fourni toutes les informations qu'on connaît, y compris des premières informations sur le traitement, grâce à leur travail de terrain en Afrique, depuis des années, et on est très heureux d'avoir toutes ces informations. Mais mon message, c'est on est en train effectivement de tester ces nouveaux outils que sont les traitements et les vaccins. Rendons-les accessibles pour les populations qui en ont le plus besoin, qui sont ces populations d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Et ça me paraît absolument primordial au décours de cette crise, parce qu'on mène ces projets quelquefois dans l'anonymat le plus complet. Je pense qu'Emmanuel est devenu une star depuis quelques jours avec sa contribution sur la recherche sur la variole de singe, et tant mieux. Mais surtout, le plus important, c'est on est très heureux d'avoir toutes ces informations grâce à des chercheurs comme lui. Faisons maintenant que les outils qui vont être développés, et les outils d'ailleurs qu'on développe avec la CIBU pour le diagnostic sur le terrain, puissent être accessibles pour ces pays qui en ont vraiment besoin maintenant. Un tout dernier mot de conclusion, Arnaud Fontanet, sur la dynamique épidémique. Pour le moment, le nombre de cas augmente, continue d'augmenter. Ça veut dire, ça reste néanmoins, on l'a bien compris, relativement limité. On n'a pas un taux de reproduction ou un taux de doublement très très très rapide. Mais néanmoins, quelle est selon vous la suite est-ce que cette flambée va petit à petit s'étendre? Est-ce que elle va s'éteindre ou elle va s'étendre, en fait? En fait, il y a énormément d'incertitudes là-dessus. Je pense que le maître mot, là, c'est de dire on ne sait pas. Ce que je disais au début, c'est que c'est quand même au début qu'il est le plus facile d'éliminer la maladie. Donc, réagissons de façon énergique, quitte à se faire dire après que, oh là là, vous nous avez fait tout un plat, regardez, c'est rien passé. Bah, tant mieux, si c'est ça qu'on nous dit, ça veut dire qu'on aura mission accomplie, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et on a besoin d'un petit peu plus de temps pour savoir quelle est la réelle pénétration du virus actuellement en population humaine. Peut-être qu'on est en train de se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui diffusait à bas bruit, à côté duquel on était passé. C'est trop tôt pour le dire, mais réagissons de façon énergique, parce que c'est maintenant qu'on pourra stopper la circulation du virus. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Arnaud Fontanet, merci Emmanuel Nakoune, la méthode scientifique. Eh bien, c'est Céline Lezen, Natacha Triou, Noémie Guetsin-Vulfranc, Eve Etienne, Amel Boucherka, Alexandra Delbault, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Audrey Galil à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est un podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur franceculture.fr, et ce à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.